until you know what life can buy. You know I hope the world's been kind. Hope you can see it in my eyes that I. L'été, 17h-20h, on prend la route des vacances. C'est que du fun sur Fun Radio. Bienvenue, c'est que du fun jusqu'à 20h sur Fun Radio. J'espère que vous avez passé un bon week-end et un bon lundi. Il y a Kaufman qui est là pour m'accompagner. Salut Kaufman. Bonjour. Ça va bien? Bah oui, un lundi, prête à reprendre encore de plus belle tous les jours, hein, 17h-20h. C'est que du fun. Et t'as passé un bon week-end? Le week-end a été court mais très agréable. On a fait quoi ce week-end? Écoute, pas grand-chose en fait. J'ai chassé des Pokémon. Encore chassé des Pokémon. Toujours, putain, tu fais que ça toi. Ce qui explique qu'aujourd'hui je te vois comme un Pokémon. Et quel Pokémon en particulier? Écoute, j'ai eu des rares. Ah, des rares? Ah ouais, ouais, ah ouais, ouais, ouais. Comme j'ai quoi? Mewtwo? Enfin, c'est pas très rare ça. Ah merde. Mais je t'expliquerai. C'est gentil. Également Laurence qui est avec nous. Ça va Laurence? Ça va super bien et toi? Ouais, t'as fait quoi ce week-end? Je suis parti à Rotterdam. Rotterdam, ouais, les Pays-Bas. Donc. Exact, petit week-end tranquille là-bas. C'était plutôt sympa, donc voilà. C'était bien? Très bien. Ok, parfait. Dans quelques minutes, tu auras le Sarah Al-Salov. Kaufman, tu as levé sur quoi toi? Bah, j'ai levé sur Jennifer, si je puis m'exprimer ainsi. Ah. Mais je dirais pourquoi. Très bien. Et Kaufman, et Laurence, t'as râlé sur? Mais sur le comité international olympique qui a pris une décision totalement débile et ça m'a fait grave râler. Très bien, on en parle de tout ça juste après les infos. Fun Radio. Et les 17h, les infos, c'est avec Carlo. Salut Carlo. Hello David, salut à tous. Le week-end qui vient de s'achever a à nouveau été marqué par une agression terroriste en Belgique, une agression revendiquée par Daesh. Je suppose que vous êtes tous au courant, ce samedi, un Algérien de 33 ans, en séjour illégal chez nous, a attaqué deux policières de Charleroi à la machette avant d'être abattu. Les deux femmes ont été blessées, mais leurs jours ne sont pas en danger. Dans un communiqué de presse diffusé hier soir, l'Union des mosquées de Charleroi a fermement condamné cette agression, appelant à la solidarité de tous face à la violence. C'est un acte immonde et d'une cruauté extrême à l'encontre du corps de police, dont la mission est de protéger tous les citoyens. Tels sont les mots utilisés dans le communiqué. Child Focus, la fondation pour enfants disparus et sexuellement exploités, a vu le jour il y a 18 ans dans la foulée de l'affaire Dutroux. Et Sud Press nous apprend aujourd'hui qu'elle a reçu, durant ce laps de temps, plus de 843 000 appels et a traité plus de 50 000 dossiers. Maryse Roland, la porte-parole de Child Focus, explique que les chiffres sont stables d'une année à l'autre et qu'au fil du temps, un partenariat s'est développé avec la justice et les forces de l'ordre. Alors évidemment, Child Focus, ça fait tout de suite penser aux affaires de pédophilie, hein, et de fait, de nombreux dossiers sont relatifs à la pédopornographie sur Internet. Mais il n'y a pas que ça, évidemment. La Fondation dresse un constat alarmant en ce qui concerne notamment les disparitions d'enfants mineurs étrangers non accompagnés. Il y en a de plus en plus, en fait, avec le flux migratoire. Les gamins sont des proies faciles pour les trafiquants sans scrupules. Enfin, Child Focus constate que les fugues concernent des enfants de plus en plus jeunes. Un autre phénomène en recrudescence, mais là ça n'a strictement rien à voir, c'est l'abdication des rois, voire même des papes, hein, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, les têtes couronnées le restaient jusqu'à leur mort. C'est de moins en moins vrai. Albert II et Paola profitent de leur retraite dans le sud de la France, et Benoît XVI, lui, passe tranquillement ses vieux jours dans un monastère. Bref, tout ça pour dire que même au Japon, l'empereur Akihito pourrait mettre fin à une tradition vieille de 2500 ans, en devenant le premier chef de l'État à abandonner le trône de son vivant. Dans une rare allocution à la télé, il a expliqué à son bon peuple que, vu son âge, 82 ans, il n'était plus très sûr de pouvoir continuer à faire du bon boulot. ce gérant qu'il souhaitait que les lois changent, histoire qu'il puisse céder la couronne à son fils. Il faut savoir qu'au Japon, un empereur n'a pas le droit d'abdiquer. Le Premier ministre a déclaré prendre ses propos au sérieux et avoir l'intention d'y répondre. Un petit mot enfin à propos des Jeux Olympiques, même si c'est samedi déjà que ça s'est passé, je voudrais saluer quand même la victoire de Greg Van Avermaet dans la course en ligne cycliste. Figurez-vous que grâce à cette victoire, la Belgique s'est retrouvée en tête du classement des médailles, pas très longtemps, mais quand même. Et à l'heure où je vous parle, elle se trouve toujours devant la puissante Allemagne qui n'a pas encore gagné la moindre médaille après 2 jours de compétition. Fun. Fun Radio. Avant le Sarah Salov, un point sur la météo. Carlo, le soleil est de retour? Le soleil est de retour aujourd'hui. Demain, on en profitera encore, essentiellement sur le nord et le centre du pays. Dans l'est et le sud, par contre, ce sont des averses qui sont au programme, mais les températures maximales ne dépasseront plus 15 à 19 malheureux petits degrés. Prochain rendez-vous info dans une heure. Je suis en compagnie de David et du son de Môme. Salut. Fun. Fun Radio. Fun Radio. Ah là, c'est énorme. Rejoignez tous les millions de fans de Fun Radio. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Le son Dance Floyd. Toute la journée, partout, suivez Fun Radio. Le son Dance Floor. Let's go. C'est que du fun entre 17h et 20h sur Fun Radio. I've heard he's grooved. Cosmic love gave you something gold. So you wrap it all up and take it away. Suddenly it's all real. Suddenly it's how you feel. You're free now. Somehow. Suddenly it's all real. Suddenly it's how you feel. You're free now. You're all you have to give. The unknown. Son soprano, le Marseillais, débarque. Le diable s'habille plus en Prada. Les hommes lui ont fait des pas. Et là, c'est le moment de râler et de lover. On commence par Kaufman qui a lové. Bah oui, j'ai lové la chanteuse française Jennifer, qui est peut-être, mais alors je dis bien peut-être, c'est à prendre au conditionnel, de retour dans The Voice. Et bah oui, les fans de Jennifer, ceux qui aiment au soleil, ravis, puisqu'après une année de congé sabbatique consacrée, eh bien, à son enfant qu'elle a eu, eh bien, et aussi la préparation de son album, ouais, faut pas l'oublier, eh bah, la chanteuse de 33 ans pourrait faire son retour comme coach dans l'émission The Voice France, Lou. En France, hein, pas en Belgique. Hein. C'est sur Insta que j'ai lu la nouvelle. Ah, ok, t'as tweeté, c'est ça? J'ai tweeté, Instagrammé, Lou. Et bon, forcément, comme elle a porté quand même une note de charme, une note de sensualité à l'émission que Zazie n'apporte pas. Zazie, ouais, c'est plutôt le côté humoristique, le côté... plus technique quand même. Plus techos, plus, ouais, technique, effectivement. Moi, je me dis que ça pourrait être sympa. Et chaque année, tu vois, il change un petit peu. Et c'est à la place de Zazie? Ah, on sait pas encore. On sait pas encore. Mais d'après mes sources à TF1, ouais, ça sera à la place de Zazie. D'après mes sources à TF1, il a aucune source. Il a déjà du mal à avoir des sources à RTL TV, celui-là. Ne mets pas la Zazizanie. Laurence, toi, tu as râlé sur quoi? Ouais, j'ai râlé sur le comité international olympique parce qu'en fait, ils ont pris une décision en fait, qui est totalement débile. Donc, une chose qu'on fait beaucoup quand même sur le net et quand on regarde les infos, par exemple, sur le net, en fait, il y a souvent des gifs et des vines. Ouais, bien sûr. Je sais, ouais, pas si vous savez ce que c'est, vous, des gifs et des vines. Moi, oui, je sais. C'est des trucs qui bougent, des petites animations qui bougent. Exactement, ouais, c'est exactement ça. Et ben, du coup, en fait, le comité international olympique a décidé en fait d'interdire ça aux journalistes qui allaient faire des articles sur les JO. Ils ont dit que voilà, c'était prohibé. Ils n'ont pas forcément expliqué pourquoi. Et en plus, ils n'en sont pas à leur première règle débile. Ils ont aussi décidé de privatiser depuis juin les mots 2016 été hors jeu et performance, par exemple, de Twitter. Ah ouais? Ouais, carrément. Ah ouais, c'est à eux. C'est à personne d'autre, c'est juste à eux. Et donc, pas, moi, je trouve ça un peu abusé. Ils font un peu des caca nerveux pour rien et voilà, les Vines c'est super sympa, ils devraient se mettre à la page un peu. Kaufman, t'as déjà regardé ou pas les JO là depuis le début? Non. Non, ça bah non, pas. J'ai chassé du Pokémon, j'ai fait mes propres Jeux Olympiques Pokémon. On peut pas tout faire. Hein. Pour la suite, tu auras le combien ça coûte pour gagner des cadeaux, des goodies et des packs fun. La soprano est là avec le diable, ne s'habille plus en Prada sur Fun Radio. Monsieur, avant ma chute, j'étais vraiment riche et heureux. J'étais le plus grand conseiller des hommes, même en haut lieu. On faisait appel à mes services pour prendre malheureux. Monsieur, tout le monde signait avec moi en fermant les yeux. Sur terre, le péché est un business fructueux. Je faisais mon chiffre en vendant le désir et le feu. Oui, le malheur des uns fait le bonheur du plus véreux. J'offrais le pouvoir. Que les hommes font bien pire que moi. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Les hommes lui ont fait les poches, lui ont pris sa femme et ses gosses. Il n'a plus d'emprise sur le globe depuis qu'on lui a pris son job. Non, le diable s'habille plus en Prada. Monsieur, les hommes d'aujourd'hui ont dépassé tous mes vœux. Certains exercent leur folie meurtrière au nom de Dieu. Le pétrole est une raison légitime pour mettre le feu. Certains pays rétrécissent, mais bon, restons silencieux. Malgré sa richesse, l'Afrique a toujours un creux. La télé m'a volé l'éducation de leur morveux. Internet brûle les neurones beaucoup plus que la bœuf. L'enfer n'est plus chez moi, mais bel et bien chez vous, monsieur. Mais l'époque a changé, l'époque a changé. Les hommes n'ont plus besoin de moi, oui, l'époque a changé, l'époque a changé. J'ai tout perdu depuis que les hommes font bien pire que moi. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Les hommes lui ont fait les poches. Lui ont pris sa femme et ses bosses. Il n'a plus d'emprise sur le flot. Depuis qu'on lui a pris son job. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'élève. sifflet. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'enfer est bien plus gros sur terre. Depuis les hommes, faut dire que Lucifer. Fun Radio. Fun Radio. Le son dance floor. Someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised. Crazy night, intense. Now, living my own life. Got you out of my path. Been wasting too much time. Gonna leave you far behind. Supposed to love me till you die. Almost kill me. Le fun game, le fun beauty de Laurence et aussi le son de Boosty. Et là, c'est le moment de jouer au combien ça coûte. Le principe est simple. J'ai un prix en tête et au 63,22 euros par message. Vous devinez à quoi il correspond pour gagner des jeux vidéo, des packs collector encore cette semaine, Kaufman. Hein, bah oui, on a refait plein de cadeaux. Hein. Smart Toys vous régale toute cette semaine avec des goodies collector, autrement dit des goodies de jeux, hein, que ce soit Overwatch, Doom et bien d'autres. On a des t-shirts, des gadgets bien sympathiques, on a des jeux vidéo aussi à vous filer. Vous repartez direct avec votre code, ce qui fait que vous n'avez pas besoin d'attendre qu'il arrive. Très sympa ce cadeau, merci Kaufman. Le prix du jour, 2,50€. 53, Kaufmann Laurence, vous posez des questions pour aider les auditeurs. On commence par une question, Kaufmann. Tu peux répéter le prix ? 2,53€. Ah, c'est pas cher. Non, c'est pas cher. Tu nous avais habitué à beaucoup plus. Oui, mais là, tu vois, faut varier un petit peu les prix. D'accord. Est-ce que c'est un objet du quotidien ? C'est un objet qui peut être du quotidien. Est-ce que c'est un accessoire de mode ? Non. Est-ce que c'est destiné aux grands ou aux petits ? Au plus aux petits. Est-ce que ça s'achète dans un supermarché ? Oui. Est-ce que on en a tous chez soi ? Oh, la plupart, je sais pas, je peux pas dire tous, hein, je connais pas vraiment la vie de tout le monde, donc je peux pas dire tous. Si vous avez la bonne réponse, vous l'envoyez au 6322 pour gagner vos cadeaux. Laurence. Est-ce qu'il y en a dans tous les pays ? Il y en a dans tous les pays, oui. Est-ce que c'est quelque chose qu'on trouve dans le salon ? Dans le salon, non. Est-ce que ça sert à jouer ? Non, ça ne sert pas à jouer. Est-ce qu'on en trouve dans la cuisine ? Oui, dans la cuisine. Est-ce que ça sert à manger ? Ça sert à manger, oui. Donc c'est un produit alimentaire ? C'est un produit alimentaire, effectivement. Est-ce que c'est salé ? Non. Est-ce que c'est sucré ? Oui, du coup. Est-ce que... Et donc c'est un produit qui est plus pour les enfants ? Plus pour les enfants, mais les adultes peuvent en manger. Hein. Ah oui, donc oui, qui vaut 2,53€. Ouais. Est-ce que ça se chic ? Ça se chic ? Non. Est-ce que ça abîme les dents ? Ça abîme les dents, oui. Si vous avez la bonne réponse, vous l'envoyez au 6322 pour gagner des jeux vidéo, des packs fun et des goodies collector. On me dit un chewing-gum. Non, ce n'est pas un chewing-gum. Ce n'est pas la bonne réponse. Allez-y, si vous avez la bonne réponse. On vient de dire que ça chique pas. Ah oui, ça chique pas. Kaufmann vient de poser la question, enfin. Est-ce que ça peut avoir plusieurs parfums différents ? Oui, ça peut. Ça plusieurs peut avoir... goûts différents. Oui, oui, c'est ça, oui. Est-ce qu'on peut aussi en acheter au cinéma ? On peut en acheter au cinéma, effectivement. Est-ce que la marque Mentos est un exemple de ce que tu. Oui, oui. De ce que tu proposes ? Oui. Est-ce que ça peut avoir une forme de petit nounours, par exemple ? Exactement. D'accord. Tu penses avoir trouvé, Kaufmann ? Est-ce que R.A.S. Tréfi a sorti la chanson ? Oui, R.A.S. Tréfi a sorti la chanson, effectivement. Si vous l'avez la bonne réponse, vous l'envoyez au 6322. On me dit du pop-corn. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Ce n'est pas du pop-corn. Vous l'avez trouvé ou pas autour de la table ? Bah oui, si je viens de te donner le titre. Ah oui, chanson de R.A.S. Tréfi. Laurence aussi, t'as trouvé ? Oui, j'ai trouvé. Oui. Ça commence par quelle lettre ? B. Oui. B. Effectivement, si vous avez la bonne réponse, ça se passe au 6322. On a vraiment des beaux cadeaux à vous offrir cette semaine. Hein. Et si c'est pas mauvais, c'est que c'est. C'est bon, non, voilà, ça ? Ouais. Il y a quoi comme cadeau déjà à gagner, Kaufmann ? Bah, on a des t-shirts, on a des gadgets, on a pas mal de choses. Hein. On a même des jeux vidéo à vous filer, c'est Smart Toys qui régale encore cette semaine. Et les cadeaux, on en a encore tout à l'heure. Hein. On a un très très gros cadeau à vous filer, ouais. Croyez-moi. De semaine en semaine, ça augmente. Hein. On y va crescendo. Si bien que la semaine prochaine, je vous l'ai dit, ça sera peut-être la voiture. Ah, peut-être, on sait jamais. Mais alors, téléguidé hein, sur Fun Radio. Ouais. On me dit du chocolat au 6322. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Je vous donne un indice sonore, comme ça, vous allez peut-être trouver la bonne réponse. Attention, écoutez bien. Voilà, c'est un gros indice. Hein. Quand même, ouais. Bonne, ouais, vous avez compris. Si vous avez la bonne réponse, vous l'envoyez au 6322. Je prends un gagnant juste après Boosty sur Fun Radio. Cet été, tous les DJs sont sur Fun Radio. The best DJs are on Fun Radio. Maeva Carter, Miko C et Adrien Thomas mixent tous les plus gros tubes et les meilleures nouveautés en non-stop. Welcome in the biggest clubbing. Party Fun. Party Fun. L'émission club de référence en Belgique. C'est sur Fun Radio. C'est l'été. Et qui dit été dit... Salut maman, dis, est-ce que tu peux nous déposer mes potes et moi à l'aéroport demain ? Mais en fait, ce que votre fils veut dire, c'est... Bon maman, tu passeras bien 2 heures dans les bouchons demain pour nous déposer à l'aéroport. Hein. De toute façon, tu peux rien me refuser et puis les autres parents sont pas dispo. Allez, à demain. Rendez-vous service et faites plaisir à vos enfants en devenant amis chauffeurs. N'allez pas à l'aéroport, mais à une gare SNCB, où ils prendront le train de l'aéroport. Vous évitez les bouchons et pouvez même remporter des vacances de rêve. Participez au concours sur amichauffeur.be. Le train. Ce sont les semaines du marché chez Lidl. Cette semaine, 23% de réduction sur le rhum steak belge. Soit 9,99€ les 800 grammes. Cuisinez ce bon rhum steak à vos amis maintenant. Parce que le week-end, ils sont plus rhum que steak. Les produits frais de chez Lidl, pour tous ceux qui comptent. Fun. Fun Radio. Fun Radio. Fun. Le son. Dance Floor. A Ferris wheel spinning on and on, stuck in the same routine, the same old song. Don't be too rational, don't let it get to you. You will find an

Radio. Rooms. Fun. C'est ici que tout démarre. Fun Radio. Le son dance floor. Du boulot avec le son de Martin Solveig. €2,53, c'était le prix du jour. Pour combien ça coûte, à quoi ça correspond? Eh bien, j'accueille Dunia pour le savoir. Salut Dunia, ça va? Oui, ça va. Oh, une petite voix d'enfant comme ça, oui, Dunia. Trop mimi. T'as quel âge, Dunia? J'ai 16 ans. 16 ans, ah ok. Bah, elle est grande quand même. Oui. Une petite voix d'enfant comme ça. T'habites où, Dunia? J'habite à Scarbec. À Scarbec, ok, très bien. Pourtant, on croirait qu'elle appelle de, je sais pas, de New York. T'as un téléphone pourri, hein, Dunia. C'est bien ce que tu dis. Elle a un décalage horaire. Dis-moi, Dunia, t'as dit quoi comme bonne réponse? 2,53€, ça correspond à quoi pour toi? J'ai dit des bonbons. Des bonbons, on vérifie si c'est la bonne réponse. Bonne radio! Dance. Bravo Dunia. Bien joué. Tu repars avec un pack fun. Bravo Dunia. Sois content. Au moins t'es contente. Tu repars avec un pack fun. Ça va Dunia? Oui, ça va. Ok, parfait. On prend tes coordonnées en antenne. Ne bouge surtout pas. De rien Dunia, avec plaisir. Bisous Dunia. Bisous bisous ma belle. Hop. Pour la suite, on a le fun beauty Laurence. On va parler de quoi? Exactement. Aujourd'hui on va parler, bah, comme tous les lundis, c'est les remèdes de grand-mère. On va parler des dents blanches. Comment avoir des dents blanches? On en parle juste après. Martin Solveig, Do It White sur Fun Radio. Let's cross the line. Final Song, c'est le son qui débarque sur Fun Radio. Place au Fun Beauty de Laurence. Toutes les nouveautés beauté dans le Fun Beauty avec Laurence. Et comment avoir les dents blanches? Exactement, parce que les dents c'est de plus en plus important, on y fait vraiment attention. Mais avec nos habitudes alimentaires, c'est pas toujours facile. Le café, le thé, la cigarette, c'est pas très très bon. Ouais. Donc du coup, on a un peu les dents jaunes et ternies. Donc du coup, aujourd'hui, on va s'occuper de nos dents et voir comment naturellement on peut avoir les dents blanches. Ok, très bien. Donc là, je vais vous donner des astuces en fait qui comprennent vraiment le brossage des dents. Et donc, ouais, on laisse le dentifrice de côté et on prend ces produits-là. Ça va? Ouais, ça va, ok, ça marche. Ok, donc on commence. Alors, la première chose, c'est en fait une poudre blanche, hyper connue. Ouais. On utilise aussi pour jardiner et en cuisine. Bicarbonate de soude. Exactement. Bon élève, Kaufmann. Comme ah oui, d'habitude. Il est calé quand même, lui. Bah, en fait, le bicarbonate de soude, c'est exactement une substance sans danger pour l'homme. Donc, il faut vraiment pas s'en inquiéter. Et alors, on va l'utiliser tout simplement à la place du dentifrice. On en met un peu sur la brosse à dents et on se brosse les dents avec. Et on frotte, on frotte, on frotte. Exactement. Et après tout blanc. Après tout blanc, et ça va vraiment faire disparaître toutes les taches et c'est vraiment hyper efficace. Okay. Par contre, c'est pas très bon, c'est un peu dégueulasse comme okay. goût. C'est un sale mais goût. Voilà. Ok, faut c'est pas grave. L'utiliser quand même. Alors autre chose, c'est un agrume de couleur jaune. Ouais. Qui a réputation d'être acide quand même. Le citron. Bah oui, exactement. Le citron, normal, tu vois, je connais ça quand même. Alors, le citron, il fait même mieux que le bicarbonate parce qu'en fait, il enlève les taches des dents, ouais, il leur redonne leur blancheur, mais il enlève aussi le tartre. Mais comment on fait pour le mettre? Bah pareil, c'est à la place du dentifrice, en fait, on trempe notre brosse à dents dans du jus de citron fraîchement pressé et on se brosse les dents comme ça. Bah oui, c'est pas bon, mais faut souffrir pour être beau, ah, non? Ça doit piquer à mais fond. Non, ça doit pas piquer, c'est très bon le citron. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est un mélange des deux. Ah bon? On peut mixer les deux, on peut prendre du bicarbonate de soude et du citron, ouais, en faire un petit jus très délicieux, très bon, ouais, et on se brosse les dents avec pendant une semaine, et là, les dents, elles sont d'un nickel, les gars. C'est gentil, c'est un conseil que tu nous donnes à nous deux, un peu, en fait. Ouais. D'accord, c'est gentil, merci beaucoup. Bah, autrement, un bon pot de peinture et c'est bon. Un petit pec sinon. Ouais, c'est vrai, ça marche aussi. Le fun game dans quelques minutes, Kaufmann, on évoque quoi? Bah, on parlera d'un jeu qui fait vraiment un carton plein actuellement, ouais, on vous dit tout dans quelques secondes, c'est le fun game qui débarque. Juste après, Mo avec Final Song sur Fun Radio. Please, won't you wait, won't you stay, at least until the sun goes down. When you're gone, I lose faith, I lose everything I have found. Heartstrings, violence, that's what I hear when you're by my side. Yeah, that's what I hear when you're by my side. Song. Le fun game débarque dans quelques minutes avec aussi le son de Drake. All that I'm wishing for my friends, nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. Et là on a encore un gros cadeau à vous offrir toute cette semaine dans l'émission. On vous offre l'Acer One 10. C'est un mélange entre une tablette et un PC. On peut l'utiliser en tablette normale et hop, on peut rajouter son clavier. Trop ça bien. Fait directement un PC. C'est un énorme cadeau qu'on a à vous offrir toute cette semaine. L'écran fait 10 pouces, vous allez pouvoir regarder des films, jouer à vos jeux préférés, Pokémon Go, Candy Crush. Bref, c'est un très très beau cadeau. Pour le gagner, vous envoyez PC au 6322. C'est 1 euro par message. PC au 6322. L'Acer One 10, un énorme cadeau qu'on a à vous offrir aujourd'hui et toute la semaine. Donc aujourd'hui, il y aura forcément un gagnant de l'Acer One 10. Vous envoyez PC au 6322. Kaufman, t'as pu le voir, toi, l'ordinateur et la tablette, on peut dire. Bah oui, moi j'ai fait la chasse aux Pokémon avec l'Acer One 10 et c'est ouais. Franchement, comme tu le disais, un ordinateur avec beaucoup de visages différents. Hein. Tu peux l'utiliser en mode ordinateur, portatif pour le traitement de texte, en mode tablette ou présentoir pour une utilisation tactile. Ouais. Et les modes écran pour le divertissement. Donc tu peux vraiment le transformer à ta guise en fonction de l'utilisation que tu vas en faire. En plus, bon, c'est vraiment bien conçu. Tu as une conception sans loquet. Donc tu as juste des charnières magnétiques. Okay. Donc ça se clipse, si tu veux, d'un coup, d'un geste, ah d'un oui, seul. Sympa, ça. Et ça permet forcément de passer facilement d'un mode à l'autre. Tu as un graphisme superbe avec l'écran HD. Bref, on détaillera tout au long de cette semaine toutes les fonctionnalités de l'Acer 10-1, mais c'est le bon plan de la semaine que nous vous proposons entre 17h et 20h. Chaque jour, on a des exemplaires à vous faire remporter. Vous envoyez PC au 6322, c'est 1 euro par message. Et donc, on va ouvrir les festivités aujourd'hui. Aujourd'hui, on vous en offre un. Effectivement, aujourd'hui, on vous en offre un. Vous envoyez PC au 6322. Il y a forcément un gagnant d'ici 20h. Pour la suite de l'émission, ça se passe avec le Fun Game, Kaufman. Bien sûr, on parlera d'un jeu qui est en train de cartonner partout en PC, en Xbox One ou en PS4. Et on vous donne le nom de ce jeu dans quelques minutes. Et juste après Drake sur Fun Radio. Fun Radio présente Party Fun Live avec Kid Noise, vendredi 12 août à Malève-Sainte-Marie. Party Fun Live. À l'occasion des fêtes du 15 août, venez vous éclater avec Kid Noise pour un set exclusif, mais aussi Cardell et Oksun DJ Party Fun. Party Fun. This is our summer legend. Kid Noise en live, c'est vendredi 12 août à Malève-Sainte-Marie, près de Pérouet. Plus d'infos sur funradio.be, une organisation du comité du 15 août et TNT Music. Fun Radio. When you say you love me, tell me don't leave it, nah, nah, nah. Nah, nah, nah, nah. Now I got that feeling you without me won't break my heart. et au calme sur Fun Radio. Okay, c'est que du fun entre 17h et 20h. Baby, I like it so. Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like it so. Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Down, I'll take it slow, make you lose control. La suite du Sundance Floor, ça se passe avec Clean Bandit. Avant les meilleurs moments de la P.O.R., place au Fun Game. L'actu des jeux vidéo, c'est dans le Fun Games, avec Kaufman de Smart Toys. Et un jeu fait fureur, c'est ça? Oui, ici actuellement sur mobile, c'est clairement Pokémon Go qui fait sensation. Ouais. Sur PC, PS4 et Xbox One, c'est plutôt Overwatch qui remporte la palme du prix du jeu en vogue. Dans le cas où vous en douteriez, eh bien, un analyste très réputé, analyste chinois, a récemment dévoilé des chiffres plutôt intéressants, pardon, à commencer par le nouveau record du monde de joueurs sur le FPS de Blizzard. Il serait aujourd'hui plus de 15 millions à posséder un compte Battle.net équipé de ce titre. Ouais. C'est-à-dire que c'est un nouveau record battu pour les studios de Blizzard. Et devinez quoi ? Eh bien, depuis le début de l'été, mine de rien, on vous offre des goodies Overwatch. C'est vrai. On vous offre des vinyles contenant la bande-son. On vous offre des stickers, des lanyards, des trucs qu'on met autour des coups pour mettre ses clés. Ouais. Bref, on vous offre plein de trucs. Comme quoi, on a eu le nez creux ici, grâce à Smart Toys, évidemment. Et tout à l'heure, on parlera d'une nouvelle appli pour Pokémon Go qui a vu le jour, qui s'appelle Pokébook. On vous dit tout dans quelques minutes. Ok, très bien. Pour la suite du Sundance Floor, ça se passe avec Clean Bandit. Et là, je vous laisse avec les meilleurs moments de la P-Hour avec Audrey. Écoutez, ça s'est passé dans la P-Hour avec Audrey sur Fun Radio. Ça s'appelle Bourré. Il appelle des gens en mode bourrasse et il les saoule. Voilà, il les lâche pas. Alors aujourd'hui, t'as appelé qui, Fab? Alors, j'ai appelé une crèche parce que j'ai besoin d'un nouveau-né. Parce que regarde, il est trop gros, moi je trouve, sur les photos. Le nez, il me faut un nouveau nez. Hein? L'enfant? Je viens de comprendre. Non, mon nez. Ouais. Il me faut un autre nez parce que je vois dans les photos. Il est pas bien. Donc il faut il faut une patate. Un nouveau nez, on appelle une crèche. Voilà. Allô. Ah, Allô, bonjour madame. Oui, bonjour. Je suis bien de la crèche des Schtroumpfs, s'il vous plaît. Oui, les Schtroumpfs, oui. Oui, je suis à la recherche d'un nouveau-né, s'il vous plaît. Je veux voir si vous en auriez un stock. Ah, attendez, mais je vais vous passer la patronne. Hein. Oui. Permettez-la, ça. Oui, oui, merci. Jean. Allô. Je voudrais savoir si vous avez par hasard des nouveau-nés, c'est vous. Et j'ai des nouveau-nés. Oui. Pour l'instant, non. Ah. Et vous avez, ils ont quel âge, ceux que vous avez? Les plus petits chez moi, ils rentrent normalement vers 3 mois, entre 3 mois et 4 mois, ils rentrent. Ah, bon, ça va, c'est très bien, ça. Je n'ai pas compris, vous savez. Ah ben, je voudrais changer de nez parce que j'aime pas le mien. Vous voulez un nouveau quoi? Nez. Comment que j'ai un nouveau nez? C'est quoi ça? Eh ben, oui, parce que le mien, il est trop gros. Même pas. Oh, écoutez, vous cherchez une place pour une crèche ou quoi? Non, je veux un nouveau-né. C'est parce que quand je fais des photos de profil, il est pas beau. Alors je vais changer. Ah non, non, non, on fait pas des photos, non. Non, non. Non, non, mais je veux pas faire des photos. Moi, je veux un nouveau-né pour mes photos. Non, non, écoutez, je ne comprends pas ce que vous voulez raconter. Je dis que j'ai besoin d'un nouveau-né. Vous avez des nouveaux-nés, vous? Non, on n'a pas de nouveau-né. Non, non. Vous avez dit ils ont 3 mois, c'est ça? Non, non, rien du tout. Ah non plus? Vous n'avez plus de nez, alors? Oui, écoutez, non, monsieur, moi, je comprends ce que vous voulez faire. Écoutez-vous, s'en est ailleurs, ce sera mieux, d'accord? Ailleurs, ils ont des nouveaux-nés. J'adore comment la meuf, elle te met un de ses vents. Genre, écoutez, monsieur, là, vous me souvenez. Ils n'aiment pas les blagues avec les enfants dans les crèches. Ben non, mais en même temps, c'est quoi cette histoire? On a besoin d'un nez, on n'appelle pas les trucs pour les nouveaux-nés, tu vois. C'est pas me le dire. L'Happy Hour avec Audrey, du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. I tried hard to make you want me, but we're not supposed to be. And the truth will always haunt me, even though it set me free. And my tears flow like the ocean as they floated in the breeze. They were falling in slow motion and they brought me to my knees. Oh, you're haunting me, taunting me, all in my brain. Turn out the light and now all that remains fills me with doubt and I'm shouting your name out loud. Why do you want to put me through the pain? I get the feeling I'll never escape. Semaine avec Fun Radio et le son d'Enrique Iglesias. Si Et on a un énorme cadeau à vous offrir toute cette semaine. Et aujourd'hui, Kaufman. Oui, la Serwen 10, hein, c'est un peu le 2 en 1, voire le 3 en 1, le PC qu'on a envie de posséder et qui fait aussi bien donc PC que tablette, ouais, et qui s'adapte en fonction de l'utilisation que vous voulez en faire. Je vais vous parler un peu de ses performances, parce que forcément, on s'intéresse toujours aux performances d'un PC qu'on veut acheter, ou là en l'occurrence qu'on veut gagner. C'est un processeur, la Serwen 10 est équipée d'un processeur capable d'une part de décompresser, mais vraiment facilement, la vidéo HD en 1080p. Autrement dit, si vous avez des vidéos HD, vous pourrez les lire dans une qualité HD, c'est déjà important. Ouais. Lancer des jeux en 3D. En 3D? Donc c'est important aussi. Sympa. Très à l'aise en 2D aussi, si vous souhaitez jouer en 2D. Et pour couronner le tout, c'est un PC qui propose une très très belle autonomie. Bon, ça dépend évidemment de l'utilisation que vous allez en faire, mais je veux dire, si vous n'êtes pas quelqu'un qui va regarder des films avec toute la journée, ça va tenir extrêmement longtemps. Au niveau de la connectique, il y a du Wi-Fi, il y a du Bluetooth, il y a un clavier qui présente un port USB standard, mais aussi un USB mini, un micro USB, une sortie micro HDMI. Vous pouvez y mettre une carte SD pour augmenter la mémoire de votre PC. Et en plus, il y a deux capteurs photo qui complètent la panoplie à l'avant et à l'arrière. Pour faire des selfies, c'est parfait. Ah, c'est super bien. Bah oui, sauf que celui de l'arrière, il fait pas des selfies. Oui. Mais donc, il fait 2 millions de pixels chacun. Donc, vous pourrez faire aussi des conversations à la webcam, forcément. Ok. Vous pourrez faire du Facebook Live aussi, si vous avez envie. Capacité de batterie, qualité du Wi-Fi, vitesse du stockage embarqué, tous les détails qui font la différence au quotidien pour ce type de machine. Ok. Il a qu'un seul nom, ce PC, c'est la Serwen 10 de chez Acer, forcément, pour le gagner. Alors là, il faut bien m'écouter. On t'écoute, attention. PC, cette fois-ci, je peux l'appeler sans problème. C'est PC. PC. C'est bien cette semaine. PC au 6322, c'est 1€ le message. C'est PC qu'il faut envoyer avant 20h. On vous offre votre ordinateur, tablette. Enfin, c'est le 3-4 en 1 dont tout le monde rêve chez soi. Parce que forcément, quand on a une tablette, on n'a pas d'ordinateur. Quand c'est un ordinateur, chiant. On n'a pas de tablette. Moi aussi, j'ai ça à la maison. J'ai une tablette et un ordinateur. Et moi, j'ai des étages chez moi. Donc, j'utilise la tablette en bas et l'ordinateur en haut. Et je suis obligé de monter en haut pour aller sur l'ordinateur. Mais là, un clavier, c'est ça? On prend le clavier, on le met sur la tablette. On le clipse, On le clipse. Et hop, on a les deux. C'est magnifique, nickel, ça, quand même. Et la première nouvelle, c'est que t'as un étage chez toi. Ouais, t'es vu. il vit dans un penthouse de 4 étages, le mec. Donc, vous envoyez PC, c'est ça? PC au 6322, c'est 1€ par message. Et avant 20h, on vous fait gagner la Serwen 10. C'est vraiment. Bah, un très très joli cadeau. Ouais, très beau cadeau, effectivement. On parle jamais d'argent ni de prix. Par contre, franchement, allez mettre les images sur internet. Vous allez être très surpris par sa plastique. C'est la Serwen 10 et vous envoyez PC au 6322. On vous souhaite, comme d'habitude, bonne chance. Bonne chance, PC 6322, 1€ par message. Pour la suite de l'émission, Kaufman, tu vas râler? Bah, j'aime bien ça, hein. Tu sais, râler, je sais bien le faire. Ah, t'es un gros râleur dans la vie, ça on le sait. Je vais vous parler de la vidéo qui fait le buzz, mais pas forcément dans le bon sens, c'est comme on peut l'entendre. Très bien, Laurence, toi tu as levé sur quoi? Ouais, bah sur un homme en fait, grâce à qui on connaît les derniers endroits de quiétude sur la planète. Ok, on en parle juste après les infos. Fun Radio. Fun. Il est 18h, les infos, c'est avec Carlo. Salut Carlo. Salut David, salut à tous. L'attaque contre deux policiers de Charleroi a été revendiquée par Daesh. Le 16e attentat commis dans nos contrées, donc en Europe, depuis le massacre au sein de la rédaction de Charlie Hebdo en janvier 2015. Il faut rappeler qu'en gros, ces attaques coïncident avec le début des frappes occidentales contre l'État islamique au Moyen-Orient. Des frappes qui portent leurs fruits d'ailleurs, vu que les islamistes perdent de plus en plus de terrain en Syrie, en Irak et même en Libye. Mais ça ne veut pas dire qu'ils perdent leur capacité de nuisance, au contraire même, vu que leur seule manière de répliquer efficacement, on va dire, à leur défaite militaire, eh bien, c'est par le terrorisme. Mais il ne faut pas oublier non plus que ce terrorisme frappe d'abord et avant tout les pays musulmans. Et c'est ainsi qu'au Pakistan, 70 personnes viennent d'être tuées dans un attentat à la bombe. Parmi les victimes, des avocats et des journalistes qui s'étaient rassemblés à l'occasion d'une manif contre l'assassinat du président du barreau de la province du Baloutchistan. En peau de drame, et pour revenir dans la région de Charleroi, ça fait 60 ans tout juste aujourd'hui que se produisait la catastrophe industrielle la plus mortelle jamais connue en Belgique. Je vais parler de ce qui s'est passé le 8 août 1956 du côté du bois du Casier à Marcinelle. Une erreur humaine provoquait un vaste incendie dans une mine de charbon. Un accident qui avait fait 262 morts de 12 nationalités, mais la majorité des victimes était d'origine italienne. Ce drame aurait quand même permis de mettre en place une réglementation plus stricte de la sécurité dans les mines. Ah bah oui, c'est toujours pareil, hein, et ça n'a d'ailleurs pas changé. Il faut d'abord attendre que le pire se soit produit avant de prendre des mesures qu'on aurait pu anticiper. Et puis le bois du casier a aussi permis de donner un visage à l'immigration italienne. C'est là que le grand public a découvert les conditions de vie déplorables de ces gens venus en masse après la Seconde Guerre mondiale pour relancer notre économie. Des gens parqués dans de simples baraquements. Des centaines de milliers de Turcs sont encore descendus dans les rues d'Istanbul hier dimanche à l'appel du pouvoir pour dire à quel point ils aimaient leur président Erdogan. Et on a profité pour répéter que si le peuple voulait le rétablissement de la peine de mort, histoire de punir les putschistes de la manière la plus radicale qui soit, eh bien pas de souci, leur souhait serait respecté. Et de se justifier en rappelant que la peine capitale existait dans des pays comme les États-Unis, la Chine ou le Japon. Il semble donc bien que les autorités d'Ankara ne croient plus en la possibilité de voir leur pays adhérer à l'Union européenne parce qu'avec la peine de mort, ça pourrait pas le faire. D'ailleurs, dans le cadre de la candidature du pays à l'entrée dans l'Union, que cette peine capitale avait été abolie en 2004. Enfin, en football, et après deux journées de championnat, trois équipes comptent toujours le maximum de points, à savoir Anderlecht, facile vainqueur de Courtrai, le Sporting de Charleroi, qui a remporté à Mâcon le derby ennuyé, ainsi que Zulte Waregem. Avec 4 points, nous avons ensuite la Gantoise et le Standard, qui a battu Saint-Trond 2-0. 3 points pour Bruges, le champion en titre, battu à Ostende. Enfin, il y a également 3 formations qui ne comptent toujours pas la moindre unité, dont 2 Wallonnes, Mâcon et le néo-promu Eupen, battu à domicile par Malines. Avant le Sarah Salove, un point sur la météo. Carlo, quel temps pour demain? Ouais, bah ça dépend. En fait, sur le nord et le centre du pays, de belles éclaircies. Ailleurs, donc dans l'est et le sud, par contre, ce sont des averses qui sont à craindre. Et puis les températures maximales vont un petit peu reculer. Hein. Elles ne seront plus comprises qu'entre 15 et 19 degrés. Prochain rendez-vous info dans une heure. Je vous laisse avec David. Alors, je suis vraiment désolé. Tu m'avais dit le son, ouais. Mais j'ai oublié. Enrique Iglesias, ça va? Eh, Enrique Iglesias, j'aurais dû... Bon, ouais. Alors, une heure. À tout à l'heure, Carlo. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Restez connectés avec Fun Radio toute la journée. Are you ready? Fun. Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Suivez Fun Radio. Le son dance floor. Entre 17h et 20h, profitez, c'est que du fun sur Fun Radio. Tu boca, yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta las 10, hasta que duelan los pies. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta las 10, hasta que duelan los pies. Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies. Con él te duele el corazón y conmigo te yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Hasta que duelan los pies. Si te vas, yo también me voy. quiero acabar ese sufrimiento que te hace llorar. Eric Pitfa, suite du son dance floor. Avec quel titre, Kaufman? Pianou. Avec Pianou, effectivement, dans quelques minutes. Et là, on commence à râler et lover. On commence par Laurence qui love. Oui, j'ai trouvé un nouvel ami. Il s'appelle Gordon Hampton et il est bioacousticien. C'est quoi ça, bioacousticien? À votre avis, c'est quoi? Bah, c'est quelqu'un qui aime le bio et qui aime la musique, qui est bioacoustique, non? Non, c'est pas vraiment ça. En fait, il est professionnel du son et il est chargé de trouver les endroits, en fait, dans le monde de silence, où il y a un calme absolu. Et alors? Pas un seul bruit. Et écoute, il en reste plus que 50. Ah, c'est pas beaucoup quand même. C'est hein. pas beaucoup. Et le mec, il a quand même fait 3 fois le tour du monde et il arrive à vivre de sa passion parce qu'en fait il vend ses enregistrements à des chaînes de télévision ouais. pour des documentaires. Ah, donc sympa. Il est vraiment super content et voilà, il nous met comme en garde et il nous demande de l'aider à préserver ses derniers havres de paix. Et donc voilà, moi j'ai lové parce que déjà c'est un métier que je ne connaissais pas et je trouve ça vraiment super super fascinant et bravo à lui. Ouais, c'est très sympa effectivement. Kaufman, toi tu as râlé? Oui, on va s'imaginer 2 secondes, petit garçon, petit enfant à qui ça n'est pas arrivé de perdre son ballon. Tu vois, tu jouais avec des copains. Bien sûr. Ah, le ballon passe par la haie, il faut aller le rechercher. Là, là. Où il est sur un toit, il faut aussi aller le rechercher. Ouais. Et là, en l'occurrence, c'est une vidéo d'un petit garçon qui veut récupérer donc son ballon dans le jardin du voisin. Ouais. Tu vois, jusque-là, rien normal, comme d'exceptionnel. Il faut dire que là où ça devient exceptionnel, c'est qu'il s'en est fallu vraiment de très très peu pour qu'on assiste à un véritable drame, puisque les voisins, eux, ils ont rien trouvé de mieux que de lâcher le chien. Oh, le chien méchant sur le petit garçon. Oh, non. Mais non. Alors qu'il était vraiment très prudent et qu'il y allait très doucement. Et à ce moment où le chien va arriver, heureusement, mais alors je dis bien heureusement, ouais, c'est passé, ses amis viennent le prendre, le sauver et le remettre du bon côté de la barrière. Tu ouf, vois. Heureusement. Mais les voisins sont quand même idiots. Ils sont idiots, les voisins. C'est une malveillance. Ah oui, bah oui, ils sont complètement idiots. C'est pour ça que c'est mon saral en ah, même temps. Ah ok, oui, ça m'aurait étonné que tu aurais nommé ça en même temps, effectivement. Pour la suite, on aura le top 2 du jour, le top 3 des méthodes pour choisir ses fruits. Et on a encore un cadeau exceptionnel à vous faire gagner, c'est la Serre One Ten, Kaufman, c'est ça? Oui, c'est un ordinateur, une tablette qu'on peut utiliser soit avec le traitement de texte, soit pour regarder des films, soit même pour jouer. Bref, on peut tout faire avec, sauf le casser. Oui, parce que c'est un joli cadeau et vous envoyez PC au 63 22, c'est 1 euro par message. Le son Dance Force, ça se passe avec Eric Price et le titre Pianou. Avec Pianou. Le son Dance Floor.

Radio. Hey, what's up? It's Martin Garrix on Fun Radio. C'est ici que tout démarre. The radio of Martin Garrix is Fun Radio. Le son dance floor. If I told you this was only gonna hurt, if I warned you that the fire's gonna burn, would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind? In the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side, would you call in the name of love? In the Would you trust me when you're jumping from the heights? Would you fall in the name of love? When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair. But it's all testify, screaming the holy lie. You bring me back to life, and it's all in the name of love. I wanna testify, screaming the holy lie. You bring me back to life, and it's The Chainsmoker, c'est le son qui arrive sur Fun Radio. Dans quelques minutes, il y a également un nouveau jeu avec la ville mystère et le fun game de Kaufman. Oui, on parlera d'une nouvelle map disponible sur internet qui vous aidera dans votre chasse aux Pokémon dans Pokémon Go. La place au topito du jour, le top 3 des méthodes pour choisir ses fruits. Qui mange des fruits autour de la table, tout le monde? C'est bon, ça va? Bah oui. Oui. Vous savez comment les choisir ou pas, Kaufman? Mais je mange les fruits juste en bonbons, moi. Ah, juste en bonbons? Ah, c'est pas très bon pour la santé, hein. Allez, le melon. Alors, comment choisir son melon, à votre avis? Kaufman, t'as une idée ou pas? Oui, on tourne sa queue ou on le sent ou on le tape le cul du melon. Ah, presque ça. Effectivement, la queue est importante. Il faut que la queue du melon soit tortillée, mais ça ne sert à rien de le sentir par contre. Ça ne sert à rien, Kaufman. Tu peux abandonner l'idée. Il y a un autre élément qui montre que le melon est bon, c'est que la peau doit être un peu craquée. D'accord? Ouais. Donc tout le ça, monde, je savais, ouais. Dans les supermarchés, on voit tout le monde sentir le melon. Oui. Mais ça ne sert à rien en fait. Donc arrêtez hein, ce truc-là. En même temps, si le melon sent la merde, c'est qu'il est mauvais. Aussi, effectivement. En deuxième position, un abricot. Comment choisir ces abricots? Laurence, t'as une idée ou pas? Bah, je pense qu'il doit être bien ferme, mais pas trop mou. Bah ici il doit quand même être mou. Ah ouais. Il faut qu'il soit assez gros aussi. Un gros abricot est égal à un maximum de plaisir en bouche. L'abricot doit être aussi très très souple. C'est très important, donc il faut bien le toucher, l'abricot. C'est complexe quand même, hein. Ça fait un peu étude scientifique. Moi je passe pas autant de temps dans les rayons, hein. Et en première position, l'orange. Kaufman, t'as une idée comment choisir son orange? Une orange choisie, bah oui, tu la presses. Tu goûtes son jus, et puis si le jus est bon, c'est que tu peux l'acheter. Pas vraiment. Une bonne orange doit être plutôt ferme et lourde, avec une peau lisse et brillante de type crème hydratante. Grosso modo, elle doit tenir en main comme une boule de pétanque. Et là, c'est bon, vous avez une bonne orange, vous pouvez la prendre. Voilà. Ok. Comme bah, ça, merci. Vous pouvez faire les courses ce soir en rentrant. Est-ce vous que avez tu fais bon. Primeur après la radio Non, je ne fais pas primeur. Dans quelques minutes, il y aura un nouveau jeu, La Ville Mystère. On a plein de cadeaux à vous offrir, Kaufman. Oui, on a des goodies, des jeux vidéo et encore beaucoup, beaucoup de choses. Comme chaque semaine d'ailleurs, hein, ouais. Depuis le début de l'été, chaque jour, bah, c'est que du fun, vous régale. Tout ça, ça se passe juste après The Chainsmokers avec Don't Let Me Down sur Fun Radio. Salut à tous, c'est Bob Sinclair, vous êtes sur Fun Radio. Fun Radio. Le son dance floor. bienvenue, le son Dance Floor avec Imani sur Fun Radio. Avant le fun game de Kaufman, c'est le moment de jouer à un nouveau jeu, ça s'appelle la ville mystère. Le principe du jeu est très simple, j'ai une ville en tête et au 63,22 1€ par message, vous allez devoir retrouver la ville. On a plein de cadeaux à vous offrir, Kaufman, hein. Oui, on a des goodies jeux vidéo, on parlait du carton d'Overwatch dans la première séquence du fun games. Eh bien, on a des goodies Overwatch à vous filer, des trucs que vous trouvez pas dans le commerce et Smart Toys a mis les petits plats dans les grands, sorti les couverts en argent pour vous filer les plus beaux cadeaux aux jeux vidéo cet été. À vous de jouer, c'est au 63,22 que ça va se passer. On va essayer tous ensemble de deviner cette ville, lui qui connaît si bien la Belgique, qui l'a parcouru de long en large. Effectivement. On t'écoute. Alors vous posez des questions, Laurence Kaufmann, pour aider les auditeurs, pour trouver la ville mystère. Une question, Laurence. Est-ce que c'est en Europe? C'est en Europe, oui, la ville est en Europe. Est-ce que c'est alors en Belgique? C'est en Belgique. Est-ce que c'est en région flamande? C'est en région flamande, non. En région wallonne? Oui. Est-ce que c'est une ville avec plus de 10 000 habitants? Oui. Ouais, c'est une grosse ville, hein, donc si vous avez la bonne réponse, vous l'envoyez au 63,22. Une question, Kaufman? Oui, est-ce que l'équipe de foot, ce sont les Zèbres? Les Zèbres? De Charleroi? Non, ce ne sont pas les Zèbres de Charleroi. Est-ce qu'un grand fleuve passe par là? Oui, un grand fleuve passe par là. Je peux vous donner le nom? Oui, s'il te plaît. Ça peut vous aider? La Meuse. Ah bah j'en connais pas beaucoup donc forcément. Effectivement, c'est la Meuse qui passe par là. Ok, est-ce que l'équipe de foot, ça serait... Est-ce qu'elle serait avec des maillots rouges souvent? Oui. Est-ce qu'il y a une grande université? Oui. Si vous avez la bonne réponse, vous l'envoyez au 63,22. On a plein de cadeaux, plein de jeux vidéo à vous offrir. Kaufman, une question? Donc le club de foot, c'est les Rouges. Les Rouges? Les Rouges. Les Rouges? Oui. Laurence? Est-ce que les gens ont un accent? Les gens ont un accent, oui. Kaufman l'a déjà fait un peu d'accent dans cette émission. Ah ouais? Est-ce qu'on sait un accent comme ça? Tu l'as fait il n'y a pas si longtemps que ça, effectivement. C'est cet accent-là. Ouais, c'est un peu ça. On me dit Namur au 63,22. Non, ce n'est pas la ville mystère, Namur. Si vous avez la bonne réponse, vous l'envoyez au 63,22 en euros par message. Laurence? C'est quoi la place to be là-bas? La place to be, le carré. Ah ouais? Ouais, le quartier vraiment référentiel. Attends, le carré, la boîte de nuit, c'est à Willowbrook, hein, t'as bien gentil. Ouais, mais là, c'est pas la boîte de nuit que je cherche. Je cherche vraiment le quartier, hein. Le quartier, c'est le carré. Moi, je cherche la ville dans laquelle est ce quartier. Est-ce que le quartier du marché, c'est la Batte? Oui, effectivement, Kaufman. Est-ce que la ville a un surnom? La ville a un surnom, effectivement. Je voulais que je la donne? Oui, s'il te plaît. La Cité Ardente. Ah. D'accord. Est-ce qu'une des spécialités culinaires sont les laquements? Oui. Effectivement, il connaît bien la ville, dit donc Kaufman. Laurence, une question? Est-ce qu'il y a un festival connu là-bas? Oui, qui s'appelle Les Ardentes d'ailleurs, hein, donc c'est le festival. C'est bon, moi j'ai trouvé. Tu penses avoir trouvé, oui. Laurence, c'est parfait. Kaufman, tu penses avoir trouvé toi aussi? Depuis deux heures là. Si vous avez la bonne réponse, vous l'envoyez au 63,22. On a plein de cadeaux à vous offrir, c'est la ville mystère. Je prends un gagnant juste après, Imani. Ça commence par quelle lettre autour de la table, la ville mystère? L. Par W. Non, pas par W, arrête, non, ça commence par un L. Ouais. Effectivement, Laurence, si vous avez la bonne réponse, ça se passe au 63,22. 1 euro par message, le gagnant juste après Imani. Sur Fun Radio. Prenez une bonne dose de fun. Ah. Tout l'été. Dès le matin, réveillez-vous avec Summer Fun. Toute la journée, du son dance floor sans arrêt sur Fun Radio. À 17h, c'est que du fun. Et dès 20h, c'est parti fun. This together. La radio de la teuf, tout l'été, c'est Fun Radio, le son dance floor. Fun Radio. Fun Radio. Fun. Le son dance floor. What it girls like, said I was a man. All I ever needed was a plan. Tell JK that I'm still rolling. Yeah, tell Russell I'm a rep. Yeah, bust that gang. Ain't nobody messing with the gang. Might take a fly out for the weekend. Yeah, and go can cause I can. Go low, everybody get low. Had a couple hits and a couple solos. Now I got a couple Brits and a couple mobos. Drop pass out, everybody loco. I was dropping off the man them with a polo. Now I'm with a man them at the polo. I can make a honey give away a lost rolo. And I stay show, yo, you know how it goes. But the girls like, I know what boys like, I know what they want. They want that good thing, they wanna get some. I know what boys like, I know what they're on. So go ahead and push it right. That's what girls like. Yeah, rolling on the wrist, that's me. Man of the year, I'm fleeky. Had a couple man, won't be me. Them

Dans un instant, c'est Amir sur Fun Radio. Il y aura aussi le fun game de Kaufman. On va parler de quoi, Kaufman ? On parlera d'une nouvelle map collaborative qui est apparue vendredi sur la toile. Pour Pokémon, c'est ça ? Exactement, pour Pokémon Go. Parfait, mais avant, on était en train de chercher la ville mystère et j'accueille Mathieu qui est avec nous. Salut Mathieu ! Salut, salut ! Salut Mathieu ! Salut Mathieu ! Comment ça va Mathieu ? Bonjour ! Ça va, hein ? Tranquille, tu fais quoi de beau là aujourd'hui ? Là, donc je viens de terminer le taf. Ah, je viens de terminer le travail, oh, super. Tu fais quoi, tu fais quoi de beau, Mathieu, dans la vie? Donc je travaille dans le monde de la nuit, en fait. T'es DJ? Pas DJ, non, non. Barman? Je suis plutôt dans l'arrière-coulisse, on va dire. Ah, go-go dancer. C'est un peu ça, effectivement. On cherchait la ville mystère, Mathieu. Est-ce que tu l'as trouvé? Tu penses l'avoir trouvé? Je pense avoir trouvé, je pense à Liège. À Liège? Ouf, attention. T'es sûr de ton choix parce qu'on va vérifier dans le PC. Allez, on vérifie. Belle radio! Dance. Bravo, bien Mathieu, joué, Mathieu. Oh, c'est bien joué, Mathieu. T'as trouvé Liège, t'es ardente, t'es fier de toi. Tu remportes quoi, Kaufman, il gagne quoi? Ah, il remporte un Lacmon pour manger. Et puis tu vas avoir des goodies jeux vidéo. Et on va t'offrir pas mal de choses, hein. T'aimes bien les jeux vidéo? Ah ouais, j'adore, hein. Eh ben si tu, ça arrive très vite chez toi alors. Ah bah super. Allez, on te fait une baisse et on te dit à bientôt. Allez, à bientôt Mathieu, hein. Ok, un grand merci. De rien, bonne soirée. Bisous, Mathieu. Ne bouge pas, on prend tes coordonnées en antenne, Mathieu. Prêt pour le fun game, Kaufman? Toujours prêt, scoot toujours. Scoot toujours, c'est parti. L'actu des jeux vidéo, c'est dans le fun games avec Kaufman de Smart Toys. Pokémon Go, une nouvelle application, un nouveau site internet. Oui, vous savez bien, ou enfin peut-être pas d'ailleurs, mais il y avait des maps qui permettaient de voir les Pokémon en temps réel. Ouais. Ça s'appelait Poké Radar, Pokévision, ouais. Et ces cartes-là, ces applications-là, se sont fait fermer par l'éditeur du jeu parce qu'elles consommaient des ressources chez Nintendo. On n'a pas le droit de prendre ça. On n'a pas le droit de se calquer sur le serveur de Nintendo parce que ça consomme trop de ressources. Ok, très bien. Et donc forcément, les développeurs, les gens qui aiment Pokémon, ont cherché d'autres alternatives et d'autres développements pour toujours, dans le même esprit, continuer à aider les joueurs de Pokémon Go, à savoir comment est-ce qu'on peut mettre les Pokémon qu'on croise, comment est-ce qu'on peut mettre les zones à forte concentration de Pokéstop ou d'arène. Et c'est un peu ce qu'on retrouve sur le site Pokébo, qui sera bientôt partenaire Fun Radio et donc de vos chasses. On en a parlé il y a 2-3 semaines. Ouais. C'est bientôt réalité. Vous allez sur cette carte, vous pouvez mettre vos points d'intérêt, tout ce que vous croisez. Et puis inversement, vous pouvez également consulter la base de données. Si vous êtes sur Namur, Liège, on en parlait, eh bien vous allez sur la carte, il y a un système de géolocalisation. Et là on vous dit ce qu'il y a à peu près tout près de vous. Et donc ça vous permet de capturer vos Pokémon, ça vous permet de regarder s'il y a des Pokéstops près de chez vous. Bref, c'est un petit peu un couteau suisse du chasseur de Pokémon. C'est plutôt bien fait. Et grâce à pokebook.be, eh bien on organisera bientôt des chasses fin de radio. Ah, très bien ça. Dès la rentrée, on proposera à nos éditeurs de venir faire la chasse avec les animateurs fin de radio. On est numéro 1 évidemment sur les jeux vidéo et on le prouve encore avec Smart Toys évidemment. Et c'est quoi le site internet? Pokebook.be, P-O-K-E-B-O-O-K. Magnifique, on est toujours dans Modus avec toi. Donc ça permet en fait de créer un peu l'interaction entre les joueurs, c'est exactement. Ça, si j'ai bien compris. Et on peut même voir les Pokémon qu'il y a autour de nous. Exactement. Et dans un futur proche, il y aura aussi des fonctionnalités sociales qui vont être développées, d'où le nom Pokébook, rapport à Facebook, non? Bien. Sympa, j'avance vite dans la réflexion. Hein. Voilà. Ça serait quoi les mises à jour? On est déjà au courant ou pas? On vous en parlera bientôt. Ok, très bien. Dans une heure, on parle de quoi, Kaufman? On parlera de SOS Fantôme qui sort en jeu vidéo. Ok, très bien, tout ça se passe juste après le son d'Amir. Et là c'est le moment de s'écouter les meilleurs moments de l'Happy Hour avec Audrey. Ils reviennent à la rentrée et là c'est l'un des meilleurs moments. L'Happy Hour est partie se dorer la pilule au soleil, mais elle vous laisse de petits souvenirs tous les jours. Écoutez. Bon, pour tous ceux qui viennent de se brancher là sur Fun Radio dans l'Happy Hour, je vous ai dit qu'il allait avoir de l'amour dans cette émission aujourd'hui. Et bah ouais, parce qu'en fait Fabien, vous voyez, Fabien qui anime l'émission juste avant nous. Oui. Il anime le 13h-17h, le beau gosse de service. Oh. Comment vous dire? Fabien, c'est un petit blondinet comme ça avec des beaux yeux bleus baraqués. Ouais, non, pas baraqué. Non, il est pas baraqué. Je sais pas où. Non, pas baraqué, mais il est plutôt bien foutu. Non, il est beau gosse. Il est beau beau gosse, Fabien. Donc voilà, Fabien, il est parti en voyage, tout ça, parce que c'est un homme d'aventure. Et puis, bah, il est tombé sur une femme, une fille qu'il a trouvée charmante. Il a eu un petit coup de foudre pour elle. Le seul problème, c'est que c'est Fabien, tu vois. Il a pas pensé à lui demander ni son nom, ni son numéro de téléphone. Mais et depuis, c'est la galère parce qu'il ne pense qu'à elle. Oh, c'est mignon. Ah, mais non, c'est pas mignon parce qu'il a pas ses coordonnées, donc c'est un problème. Alors, est-ce qu'on a Fabien qui est là? On a Fabien. Eh, coucou oui, Fabien. Je suis là, bonjour. Bah, tu vois, je te décris bien quand même, je suis gentil. Bonjour les chéris. Ouais. Ça va? Eh, par contre, c'est quoi l'histoire? Pourquoi pas baraquer? Bah, écoute, ça c'est Fab qui a dit. Hein. Moi, bah, attends, il était baraqué comme un chevalier. Tu veux qu'on s'arrange? Bon, écoute, tu viendras te faire la bagarre ici en direct dans le studio, d'accord? Écoute, on peut faire un bras de fer, je te promets d'employer que trois doigts. Bon, alors Fabien, j'ai expliqué en deux mots aux auditeurs ce qui s'était passé, mais vas-y, explique-toi avec tes mots, c'est quoi l'histoire? Bah écoute, t'as super bien expliqué, donc je rentrais effectivement de voyage à Vegas, et donc normalement j'avais un vol jusqu'à Bruxelles, ouais. Sauf qu'avec ce qui s'est passé, bah, forcément j'ai dû changer de vol, et donc j'ai pris un vol Air France, et j'étais super bien dans l'avion, je pensais qu'il y aurait personne à côté de moi sans siège, je me dis j'aurais de la place, ça va être cool. Sauf qu'il y a une nana qui est arrivée avec un enfant sur ses genoux et qui n'a pas arrêté de pleurer. Le ah, ça, c'est la portable. Galère, quoi, tu m'étonnes. La grosse galère. Et du coup, t'as dû aller te plaindre? Donc voilà, il pleure pendant deux heures, c'est insupportable, puis on essaie de dormir et il bouge dans tous les sens, donc il y a un moment où je pète un câble, je me lève de mon siège pour voir s'il n'y a pas une autre place ailleurs, ouais. Même dans les toilettes, je m'en fous, je voulais un endroit pour dormir, ça, n'importe où. Et puis il y a une hôtesse qui me demande, bah, qu'est-ce que vous faites monsieur, vous cherchez un truc? Bah, je lui dis, je vais cliquer toi. Et elle me dit, bah écoutez, je suis vraiment désolé, mais l'avion il est full, donc il n'y a plus de place, mais si vous voulez, vous pouvez boire un truc, et donc elle me propose à boire. Yeah. Et puis on discute pendant 20 minutes, super sympa, voilà, on discute de tout et de rien, des discours qui se passent dans les avions. Bah, elle me demande ce que je fais, j'explique un peu la radio. Ouais. Et puis à un moment, il y a des turbulences dans l'avion, donc il y a le ding-ding qui est retenti. Le ding-ding. Et puis à ce moment-là, elle me dit, bah, je suis désolé, mais vous devez vous rasseoir, mais revenez après surtout. Oh. Donc, moi je vais me réasseoir. Et puis finalement j'arrive quand même à dormir, le gosse était un peu calmé. Ouais. Et puis je me dis bon je vais pas me retourner maintenant, je retournerai. Ouais puis ça fait con, hein, si t'y retournes tout de suite, ça fait genre. Ouais ça fait genre t'es un chien si t'y retournes tout de suite, ça va pas, faut laisser un peu de temps. Je vais pas retourner direct après la turbulence, ça va être le mec qui est trop intéressé. Bon et du coup quand l'avion atterrit, t'y es retourné? Ben oui, donc l'avion atterrit. Donc là, j'avais même préparé le truc. J'avais mon ma carte d'embarcation, mon boarding pass avec mon nom. Oh non. Et j'avais marqué mon numéro de téléphone dessus. Oh là là. Pour qu'on continue la conversation en fait, tu vois. J'adore. C'est comme dans et les alors, films. Et alors, au moment où je sors de l'avion, impossible de la retrouver. Mais ça, c'est ouf. Comment elle ça, ça. Attends. Non, c'est pas grand un avion. C'est ça. Fabien, comment et tu fais pour pas retrouver une hôtesse? Mais déjà, c'est un grand avion. Ah oui, d'accord. Et puis donc, je refais une fois le tour de l'avion complet. Déjà là, il y a les hôtesses qui me demandent ce que je cherche. Bon, je dis j'ai oublié ma veste, donc ça passe une fois. Lol. Mais quand je fais une deuxième fois le tour de l'avion, avec ta là, ils regardent quand même bizarrement. En plus, tu vois, je fais chier tout le monde parce que je suis en contresens et tout le monde essaie de sortir. Et donc là, ils se demandent très tout. Et donc, impossible de retomber dessus, quoi. Mon Dieu. Et mais du coup, ça ne va pas du tout. Là, j'entame des recherches, je fais plein de recherches et je compte des 100 euros, évidemment, pour... Pour essayer de la retrouver. Bon, oui, madame l'hôtesse, moi je cherche une bombe qui était à bord de l'avion. Je me suis retrouvé plaqué sur le sol. J'ai rien compris, j'ai un coup de taser. Non mais attends, parce que Fabien, moi je veux bien essayer de t'aider, mais à un moment donné il faut plus d'infos, parce que là, chercher une hôtesse dans un avion, ça va quand même être difficile. Alors, mais c'est justement ça le problème, c'est que de 1, j'ai pas son nom. D'accord, on elle était brune. Elle est brune, attends, parce que je note en même temps, elle est brune. Elle est brune. Ouais. T'es sûr que c'est pas un steward? Ça fait 9 ans qu'elle est chez Air France. 9 ans, ok. Donc chez Air France, ouais. Elle a 48 ans. Mais non, elle avait l'air jeune ou pas? Mais ouais, elle avait l'air jeune, mais c'est vrai que c'est bizarre. Ça fait 9 ans qu'elle était chez Air France, et avant elle était attachée de presse en fait, pour des parcs d'attractions en France. Ah, donc ouais, attachée de presse. Elle peut pas être très jeune alors. Est-ce que t'étais bien réveillée ou pas? Elle avait l'air très jeune en tout cas. D'accord, et t'as pas d'autres infos encore? Parce que bon... Elle est à l'école avec ma grand-mère. On a fait en fait, c'était un vol Détroit-Paris. Ouais. Et elle est restée quelques jours à Détroit, parce qu'elle fait Durbex, je sais pas si vous voyez ce que c'est l'exploration urbaine. Pas du tout. C'est aller dans des lieux abandonnés et tu fais des photos. Fais pas l'antello, Fabien, s'il te plaît. Fais pas genre, tu connais des trucs que nous on connaît pas, d'accord? Bon, et tu m'as expliqué aussi, je sais pas quoi, qu'elle avait bossé dans une radio, non? En France? Oui. C'est quoi la radio? Elle a une amie. Alors, elle a une amie qui bosse dans une radio en France. C'est une fille qui fait la matinale sur Radio Nova, au Kids Day. Radio Nova, qu'est-ce que c'est ça? Attends, donc Radio Nova. La radio du troisième âge. Donc, attends, elle a une pote là-bas qui bosse à Radio Nova. Voilà, qui anime le matin. D'accord, qui anime le matin, c'est bon à savoir. Bon, tu sais quoi, Fabien, on va essayer de la retrouver pour toi. C'est magnifique. Voilà. Vous êtes des dieux. Oh, je te promets rien, hein, parce que là, franchement, vu et les infos. Je vais vous payer une tournée si vous retrouvez. Bah, j'espère bien. C'est un minimum, mec. Tu crois quoi? On va passer toute notre après-midi à essayer de te retrouver la femme de ta vie. Alors, faut pas déconner non plus. Hein. Et tu parles d'une tournée de quoi? De la fille ou alors de. Mais enfin. Bel été. Et rendez-vous à la rentrée avec l'Happy Hour dès 17h sur Fun Radio. J'ai cherché un sens à mon existence. J'y ai laissé mon innocence. J'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance. J'ai payé le prix du silence. Je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi. Donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur qui dormait là, qui dormait là dans mes bras. Calvin Harris et Rihanna pour la suite de son dance floor. Et aujourd'hui, toute cette semaine, on vous offre Lacer One Ten Lance. Exactement, donc c'est en fait un ordi convertible, convertissable. Ouais. En tablette, et donc c'est trop trop bien parce que moi je suis étudiante, donc je me suis mis à la place des autres étudiants et je me suis dit que pour partir à l'école, ouais, c'est bientôt la rentrée, ce petit appareil il est vraiment génial. Ah oui, tu pars avec ta tablette, ton clavier dans notre main, hop, le exactement, clavier dans le sac, exactement. T'arrives à l'université et pam, tu mets ton clavier, ça devient un ordi. Exactement, donc plus besoin de prendre le gros ordi vraiment hyper encombrant, ouais, et tout. Là on a sa petite tablette dans son sac, hein, pour les filles on le met directement dans le sac, c'est vraiment nickel. Donc voilà, c'est Lacer One 10, donc c'est un PC de 10 pouces. Donc ouais, pour le gagner, on envoie PC au 63 22, c'est 1€ par message et voilà, je vous souhaite bonne chance. Ouais, exactement, il y a plein de fonctionnalités dans cet appareil, hein, Kaufman. Hein. Ah oui, on peut à peu près tout faire, on peut jouer en 2D, en 3D, on peut regarder des films, on peut faire du traitement de texte, on peut. Et ce qui est bien, c'est que le PC s'adapte à l'utilisation que vous voulez en faire. C'est-à-dire que quand vous voulez faire, vous mettez un film, bah, vous n'avez ouais, plus besoin du clavier, vous le déclenchez. éclipsé, vous le prenez en main. Ah, c'est bien quand même. Quand vous voulez faire le traitement de texte, vous remettez vite le clavier. Quand vous voulez faire, quand vous voulez faire du jeu, bah, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez jouer en tactile aussi. Ouais. Donc à chaque fois, et puis on le répète, hein, la connectique qui est liée à cette Acer N1 est quand même pas mal. Du Bluetooth 4.0, donc ça veut dire qu'on peut y connecter des manettes, des souris, des claviers. Bah oui, les connectiques Bluetooth, ça te permet de faire beaucoup de choses. Ah, je savais pas ça, qu'on pouvait connecter une manette à une tablette. Bah, si elle est Bluetooth, ta manette. Ah, ouais, je savais pas. Bah, je vais t'en apprendre, moi, des choses. Merci, Kaufman. Du Wi-Fi, le clavier avec un port USB, avec un micro-port USB, une sortie HDMI, un logement pour la carte micro-SD. Micro-SD qui te permet d'augmenter la mémoire. Je pense qu'il y a déjà 32 gigas dedans, c'est pas mal. C'est très bien, Mais si t'as envie de stocker des films, forcément, ça va vite devenir court. Donc l'avantage, c'est d'avoir une micro SD sur la tablette. Et puis the cherry on the pie. Ouais, c'est quoi? On the pie, ouais, on the cake. T'inquiète, on s'en fout, on a compris. La cerise sur le gâteau. Ouais, voilà. C'est deux capteurs photo qui complètent la panoplie à l'avant et à l'arrière. Le tout fait 2 millions de pixels chacun. Très bien. Donc ça en donne, ça en fait en fait un objet complètement multimédia. Alors pour la gagner, ok, écoutez bien. Moi j'écoute. C'est deux bon. Lettres. PC. Ok. Les deux collés, évidemment. Oui, bien sûr, ça fonctionne PC pas. PC au 6322, c'est 1€ par message envoyé. Vous envoyez vite PC au 6322. Et là, dans moins d'une heure, on l'offre. On l'offre, c'est sûr et certain. C'est sûr, ouais. Aujourd'hui, elle part chez l'un ou l'une d'entre vous. Et donc, on va vous souhaiter effectivement bonne chance. Et faites attention au correcteur orthographique. On a vu tout à l'heure hein, Kaufman et Laurence. Kaufman, tu l'as vu toi. WC, WC, on m'a envoyé. Non, ça ne fonctionne pas. Donc c'est pas la même chose. PC, WC, c'est. Bon, on peut offrir des WC si vous voulez, mais bon. C'est pas la même chose. Envoyez bien PC au 6322. C'est 1€ par message. Il y aura un gagnant dans 45 minutes. Donc allez-y, envoyez PC au 6322. C'est vraiment une tablette magnifique. Un PC magnifique. Qui fait les deux, hein. Il y a juste à rajouter le clavier pour qu'il fasse PC. Ouais. On l'a dit, Kaufman et Laurence l'ont dit, il y a toutes les fonctionnalités pour jouer, pour regarder des films, pour faire du traitement de texte. Donc vous envoyez PC au 6322, c'est 1€ par message. Pour la suite de l'émission, ça se passe avec le Blackjack. Il y a également le chiffre du jour aujourd'hui, Laurence. Alors ça pèse 45 kilos et presque tout le monde aime ça. Ah ok, très bien. Il y a encore le fun game, Kaufman. Oui, on parlera du jeu SOS Fantôme. Très bien, et là il est 19h, c'est l'heure des infos. Fun Radio. Les infos, c'est avec Carlo. Salut Carlo. Salut David, salut à tous. Vous êtes de plus en plus nombreux à chasser le Pokémon. Eh bien la police, elle, s'apprête à chasser le chasseur de Pokémon. Voilà ce qu'on peut lire aujourd'hui dans la presse flamande. Bon, ça veut évidemment pas dire qu'il est interdit de jouer avec son petit smartphone sur la voie publique. Hein. Simplement, il faut respecter la loi et le code de la route qui stipule notamment que les usagers, je cite, doivent se comporter sur la voie publique de manière telle qu'ils ne causent aucune gêne ou danger pour les autres usagers. Concrètement, tous ceux qui sont surpris en train de traverser la rue, les yeux rivés sur leur appareil, sans avoir regardé au préalable à droite et à gauche comme on demande aux enfants de le faire, ces gens-là donc risquent désormais 55€ d'amende. Autant le savoir. Durant l'Antiquité, les cités grecques rivales arrêtaient de se faire la guerre durant ce qu'on appelait la trêve olympique. Ce qui signifie évidemment pas que le reste du temps, elles se battaient forcément. Hein. Bref, cette trêve olympique est encore souhaitée de nos jours par le CIO, mais aujourd'hui, ce souhait reste lettre morte. Et c'est ainsi qu'en Syrie, une coalition de rebelles et de djihadistes vient d'annoncer le lancement de la bataille pour reprendre la totalité de la ville d'Alep. Et ce, après avoir brisé le siège imposé par les forces du régime au quartier tenu par les rebelles. Mais il n'y a pas qu'à Alep hein, qu'on se bat. Ainsi, des combattants arabes et kurdes soutenus par l'Occident se sont emparés de la ville de Minbej, un fief de l'État islamique qui continue donc à perdre du terrain. Et puis c'est de glissement de terrain qu'il est question au Mexique, dû aux pluies diluviennes causées par le passage de la tempête Earl, glissement de terrain qui ont fait au moins 38 morts dans l'est et le centre du pays, alors qu'une nouvelle tempête s'apprête cette fois à toucher l'ouest mexicain et la façade pacifique du pays. Enfin, à propos des Jeux Olympiques, il est évidemment impossible d'être exhaustif, vu tout ce qui se passe. Je pointerai donc la fin du rêve pour Novak Djokovic, le numéro 1 mondial de tennis. Djoko battu par l'Argentin Del Potro, bloqué quelques heures avant le match pendant 40 minutes dans un ascenseur. Alors, je sais pas, hein, peut-être que ça lui a permis de se concentrer un max sur son match à venir. David Goffin, lui, s'est facilement qualifié pour le deuxième tour. En football, le Brésil a une nouvelle fois fait 0-0. Et ce face à l'Irak, pas très glorieux pour une équipe qui risque de se faire éliminer dès le premier tour. En natation, on en est à 3 records du monde par jour. C'est beaucoup, mais c'est assez classique dans ce sport où les chronos tombent toujours en masse dans les grandes compètes. À noter la 23e médaille, la 19e en or pour l'américain Michael Phelps dans le relais 4x100 mètres nage libre. Le Kosovo, qui participe à ses premiers Jeux, a remporté sa première médaille, et en or carrément, grâce à une judokate. Enfin, il faut quand même signaler que les Red Lions sont en forme. Notre équipe de hockey sur gazon a remporté ses deux premiers matchs en dévorant notamment le Brésil, pays organisateur, 12-0. Fun. Fun Radio. Dans quelques minutes, c'est le jeu du Blackjack, mais on fait un point sur la météo. Quel temps pour demain, Carlo ? Demain, les températures seront un petit peu plus fraîches qu'aujourd'hui, donc une vingtaine de degrés à tout casser, avec au programme alternance de passages nuageux et d'éclaircies. Voilà, tous une excellente soirée. Je vous retrouve demain à midi et vous laisse en compagnie de David et du son de Calvin Harris et Rihanna. Salut. Fun. Fun Radio. Retrouvez toutes vos émissions préférées dès maintenant sur Facebook, Twitter et Instagram. Vivez, partagez et communiquez avec vos animateurs préférés toute la journée, partout, tout le temps. Connectez-vous dès maintenant sur la page officielle de Fun Radio et likez les pages de vos émissions préférées pour ne rien rater. Fun Radio, chaque jour plus proche de vous. Fun Radio, le son dance floor. L'émission qui fait dabé entre 17h et 20h, c'est que du fun sur Fun Radio. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Vous êtes sur le chemin du retour, je vous propose Justin Timberlake pour la suite du son dance floor. Et c'est le moment de jouer au jeu du Blackjack. J'accueille Mélissa qui est avec nous. Salut Mélissa. Salut. Salut Mélissa. Salut. Ça va bien Mélissa? Oui, ça va. En pleine forme. Tu fais quoi de bon en ce moment là? Je fais mes courses. Tu fais tes courses en ce moment? Ah oui, c'est sympa comme truc. T'es où là? T'es au supermarché? Oui, c'est ça. Ok. Ah, tu écoutes la radio en même temps? Non, c'est bon, on l'a inscrit avant et puis hop, on l'a appelé. D'accord. Bonjour, je dis Blackjack. Tu sais qu'on n'offre pas pour l'argent pour les courses. Hein. On n'offre pas un caddie. Hein. On offre plein de trucs, des jeux vidéo, des packs fun. Tu vas jouer au jeu du Blackjack. Le principe est simple, je dévoile des cartes une par une. Pour dévoiler une carte, t'as qu'à me dire encore. Et si la somme des cartes est comprise entre 18 et 21, tu gagnes un pack fun. Si tu arrives à 21 pile, tu gagnes un jeu vidéo. Ok Mélissa? Ah, ok. Allez, c'est parti. Première carte, c'est un 9. On continue? On continue. Ok, très bien. Deuxième carte, c'est un 4. 9 plus 4, 13. 13. On continue? On continue. Très bien. La prochaine carte, c'est un 6. 13 plus 6, 19. 19. C'est donc gagné. C'est donc un pack fun. Est-ce que tu vas tenter le jeu vidéo, Mélissa? Je tenterai pas, moi, perso. Hésitation. Mais vas-y, Mélissa. Hésitation, je ne tenterai pas. Non, moi non plus. Ah bon, t'es sûr de toi, Mélissa? Mais ouais, vas-y. T'as une chance de gagner un jeu vidéo en tombant sur 21. Ouais, mais il faut un 2. Ouais, il faut un 2. Mélissa, voilà. Que fais-tu? J'ai besoin d'un choix, Mélissa. Je ne tente pas. Tu ne tentes pas, t'es sûre et certaine? Sûre et certaine. Ok, je valide ton choix, Mélissa. Choix validé. Et? Je vais dévoiler maintenant la carte et... qui aurait pu te permettre peut-être de remporter un jeu vidéo. Et c'est? Un 2. Non. Si, c'est un 2. Si, c'est un 2. Ouais. Eh ouais, t'aurais pu gagner le jeu vidéo. C'est pas grave, tu gagnes quand même un pack fun, oui, Mélissa. Bien, c'est déjà bien, hein. Ça va? C'est déjà ça. Mais oui, c'est déjà ça, t'inquiète pas. On prend tes coordonnées en antenne. Ça va, Mélissa? Ok. Allez, bonne course, Mélissa. Hein. Bah, elle est déçue, mais en même temps, elle a pas voulu jouer. Donc, ah, bah oui, on n'est pas joué. C'est comme ça. Pour vous inscrire au jeu du Blackjack, vous envoyez jeu au 3044, c'est 50 centimes par message. La suite, ça se passe avec le chiffre du jour, Laurence. Ouais, ça pèse 45 kilos et on aime presque tout ça. Très bien, on en parle juste après Justin Timberlake et Tiesto. C'est le suite qui arrive après. Hein. Allez, c'est parti sur Fun Radio. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. And under the lights, when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel a good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't need control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop, stop. Just imagine. can't stop the Dance floor. Dance floor. Bon début de soirée sur Fun Radio, la suite de son dance floor, ça se passe avec Jonas Blue. Baby, we don't need no reason why. Il vous reste moins d'une demi-heure pour gagner la Serwan 10, Kaufman. Ah, c'est pas un cadeau qu'on vous file aujourd'hui et d'ailleurs toute cette semaine. C'est carrément c'est un petit truc bijou. Ah ouais, c'est moi, un bijou. Je l'appelle petit bijou parce que...

manger un bon muffin chez ma tata. Je sais qu'un jour tu me déclareras ta flamme. Aïe aïe aïe, je suis français. Chez moi, je suis chez moi, chez moi, chez moi, chez moi, je suis chez moi, chez moi, chez moi, je suis chez moi, chez moi, chez moi, je suis français, chez moi, chez moi. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée, chez moi, chez moi. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop foncé, chez moi, chez moi. Laisse-moi juste l'inviter à danser, chez moi, je vais l'ambiancer. Je suis français. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Non. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop foncé. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Je vais l'ambiancer. Je suis noir, je suis beurre, je suis jaune, je suis blanc. Je suis un être humain comme toi. Je suis chez moi. Fier d'être français d'origine guinéenne. Fier d'être le fils de Monsieur Diallo. Éternellement insatisfait. À suivre. Allez, on est posé sur Fun Radio avec le son de David Guetta. Avant le fun game, place au chiffre du jour avec Laurence. Oui, alors c'est un objet ouais. qui pèse 45 kilos. À d'accord. votre avis, c'est quoi? Allez-y au 30 44 50 centimes par message pour nous aider. 45 kilos, c'est ça? Ouais. Un objet, Kaufman? Un objet, je sais pas, des haltères. Des haltères? Non, mais c'est surprenant. Enfin, c'est un objet, mais pas vraiment quoi. Qu'on connaît? Oui, tout le monde connaît ça. C'est un objet, c'est sûr. C'est pas un aliment. C'est un aliment. C'est un aliment. Voilà. Ok, très bien. Donc, si vous avez une idée, allez-y au 3044 pour nous aider. Un aliment, 45 kilos. Qu'est-ce qu'il peut peser? Je sais pas, une carotte géante? Non. Non, Kaufman, une non, idée? Non, à mon avis, c'est plutôt un fruit. Un fruit? Non. En fait, c'est plusieurs aliments ensemble. Plusieurs aliments ensemble. Qui forment un truc. Une sorte de sandwich, quoi. Une compote? Une compote? Non, pas une compote. Une compote de 45 kilos, ça fait bah, pour y a tout beaucoup monde. De pommes dedans, quoi. Je sais pas, est-ce qu'on y trouve de la salade dedans? On trouve de la salade dedans, ouais. De ouais. la salade Quoi, un burger? Exactement. Un burger de 45 kilos? Ouais, un burger de 45 oh, kilos. Oh, mon rêve. Bah, faut avoir faim quand même, là. Faut avoir super faim, ah, ouais. Bah, bizarrement, ça se passe aux États-Unis. Ouais. Ou hein, pas hein. Non, pas bizarre. Normal. Et donc, du coup, bah, en fait, c'est les cuisiniers d'un resto. Ils en avaient marre d'entendre la petite phrase. À chaque fois, les clients, ils disaient ah, go bigger. Ça veut dire faites plus grand. On adore okay. vos burgers, mais ils sont un peu trop petits. Ouais. Donc, du coup, pour les un an en fait, du resto, ils ont pris la remarque au pied de la lettre. Et les mecs, ils ont fait un burger de 45 kilos. Ils ont passé une journée entière à le faire. Oh la vache, ah ouais, quand même. Et juste la viande, bah, elle pèse 31 kilos. Oh, c'est énorme. Et il y a 13 kilos de laitue. Ah, faut la ramener pour comprendre. Non, mais avec cette information, ils ont mis quasi un jour à le faire, je l'ai mangé en 10 minutes. Et très bien, mais ils l'ont pas mangé, c'est pas possible. Bah non, ils l'ont pas mangé. Pas. Bah attends, 45 kilos, et oh, faut être d'une centaine pour le manger, ce truc-là. Eh bah exactement. Une centaine? Ouais, je mais pense. Mais non, quand tu vas au resto, il y a des fois où tu prends un kilo de viande. Bah non, je prends pas un kilo de viande, moi. Excuse-moi, comment ceci explique la différence de poids entre toi et moi. C'est ça, donc comment ils ont fait après? Bah en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que tout simplement, ils l'ont coupé en petits morceaux, ils ont vendu des tickets, et voilà, les clients, ils venaient le manger, et après, ils ont reversé les bénéfices à une banque alimentaire. Ah très bien, c'est quand même une bonne action. Bravo. C'est un peu con parce qu'ils auraient dû filer le burger direct à la banque alimentaire. Ça c'est vrai, ça aurait été plus utile. Pour la suite, ça se passe avec le fun game. On va parler de quoi? Eh ben, on va voir si le jeu est aussi bon ou aussi mauvais que le film Ghostbusters SOS Fantôme. C'est dans quelques minutes et dans le fun game. Très bien, juste après David Guetta. Together, we stand strong together. Courage, vous êtes sur la route. La suite du Son Dance Floor, ça se passe avec Zach Noël et Shem Paul. Maintenant, place au Fun Game. L'actu des jeux vidéo, c'est dans le Fun Games, avec Kaufman de Smart Toys. Ghostbusters. Ah ouais, il est enfin temps de savoir si c'est un bon ou mauvais jeu. Alors vous savez que les licences cultes des années 80, bah elles passent pas forcément une très bonne année 2016 sur console, puisqu'après les Tortues Ninja et le tristement mauvais Teenage Mutant Ninja Turtles, ouais, des mutants à Manhattan, c'est comme ça qu'il s'appelait, eh bien on a eu droit au jeu Ghostbusters. Et alors ? Éponyme du film du même nom, donc... Ouais. Et c'est franchement une catastrophe. Il est pas bon ? Ah non, c'est cata. On veut faire des années 80. En fait, on veut faire du neuf avec du vieux. Ouais. Et même dans les jeux vidéo, ça passe pas, tu vois. Sur le grand écran, c'est pas terrible déjà. Mais alors, s'obstiner à essayer de recycler des jeux, alors qu'au cinéma, on voit déjà que la sauce prend pas, bah, c'est pas forcément toujours une bonne idée. Alors, bon. Mais pourquoi c'est nul en fait ? Bah, simplement parce que le jeu est mauvais, et les graphismes sont nuls, le gameplay est nul. Okay. T'as pas envie d'y jouer tout simplement. Ah, moi, franchement, c'est un jeu que je prends, que je jette à la poubelle. Ah ouais, Laurence ? Mais quand les jeux ils sont mauvais comme ça, est-ce qu'on baisse les prix du coup ? Bah, ils sont déjà vendus pas très cher. Ah ouais, carrément. Bah, alors, moi je propose qu'on les donne. Donc, il est sorti il y a pas longtemps, Il est sorti il y a pas très longtemps, mais on espérait quand même un petit peu mieux parce que c'est une licence qui est porteuse, c'est-à-dire avec laquelle on peut faire beaucoup de choses. Ouais. On peut capturer des fantômes, on peut enquêter. Il y a des multiples aspects à la chasse aux fantômes, mais tant au cinéma qu'aux jeux vidéo. Jeux vidéo, bah non, ça ne va pas. SOS mauvais jeu plutôt qu'SOS fantôme. Déception pour ce jeu. Pour la suite, on a encore un PC à vous offrir, Kaufman. Hein. Ah, c'est plus qu'un PC. Bien quand sûr. Tu dis PC, ça m'énerve. Ah non, c'est une c'est tablette. La Acer PC. Bien sûr. One Ten. Ouais, exactement. C'est plus qu'un PC. C'est une tablette très convertible bien. En un PC. Vous pouvez absolument tout faire avec et c'est à gagner avant 20h. Envoyez vite PC au 6322 pour 1€ le message. PC au 6322 pour 1€ le message. Dans quelques minutes, on prend un gagnant PC au 6322. Kaufman vous explique toutes les caractéristiques dans quelques minutes. Mais là, c'est Shem Paul avec Zach Noël Trumpet sur Fun Radio. Bubbly, bubbly. Set it! You see that girl with the big tic-tac, if you give me the, head to the floor, girl, give me the, bend over, girl, and give me the, spit down to the ground, seismic activity, spin round me, girl, and give me the, top wine, girl, and give me the, body look fine, girl, give me the, coming out, waste some time, girl, give me the, body look good, girl, you ever be winning it, turn it up right, girl, you never be dimming it, take up your body, cause you're in your element, funny body, me take up a permanent residence. Rotate your body, come in love, or you're spinning it. Rotate your body, come in love, or you're spinning it. Rotate your body, come in love, or you're spinning it. Make the trumpets blow. Sing it on a comedy, comedy. And them say you have the comedy, comedy. So me won't get some and come trouble, trouble. Bust two buckle of the bubbly, bubbly. Call in two friend and then doubly, doubly. Girl so hot, she a bubbly, bubbly. And she know when she got, she a carry me remedy. Body look good, girl, you ever be winning it. Turn it up right, girl, you never be dimming it. Take up your body, cause you're in your element. Pony body, me take up a permanent residence. Trumpets blow. Make the trumpets blow. Début de soirée tranquille, on continue avec un son belge, Lost Frequencies sur Fun Radio. Il vous reste moins de 5 minutes pour gagner la Acer One 10, Kaufman. Bah ouais, ce PC, enfin, je sais même plus comment l'appeler tellement il sait tout faire. Enfin, cet engin, tout pour plaire. Ouais. C'est pas une machine de remplacement, mais plutôt un couteau suisse technologique. Une tablette hybride. Ouais. Un netbook sous Windows. Oh, qui devrait permettre de nombreux usages. Ouais. Que vous soyez chez vous, en déplacement. Vous l'emportez partout avec vous. On vous parlait de la capacité de batterie qui est nettement supérieure aux autres de la même catégorie. La qualité du Wi-Fi, n'en parlons pas. Que vous soyez à Bruxelles et que vous captiez le Wi-Fi à Liège, ça marche. Vitesse de stockage embarquée. Tous les détails en fait qui font la différence au quotidien sur ce type de machine. Ouais, le design aussi est plutôt joli. Les graphismes qui en ressortent sont superbes. Ils vous permettront de mater du HD, autrement dit grâce à un écran HD aussi, parce que c'est important de le signaler au défi. En veux-tu, en voilà de la haute définition, c'est du 1280x800. C'est bien ça? Ouais, c'est plutôt sympa. Okay, ça bien. Te permet de voir déjà un film dans une qualité très bonne. Sympa sur okay. un écran vraiment très adapté en fait. Hein, je veux dire, les contenus ont une apparence claire et nette, la technologie dont elle est équipée élimine toutes les pertes de détails et de saturation de couleurs. Autrement dit, si t'as pas la chance d'avoir la télé chez toi, imagine, ouais. tu vois, tu pars pas en vacances, t'as pas de thunes, t'as pas de télé chez toi, t'as pas de thunes, ouais. eh ben, tu envoies un petit SMS, t'envoies PC au 6322, et là, peut-être qu'avec un peu de chance, eh ben, on Bien te sûr. Fournira les vacances et la télé en un. Parce wow. que c'est de l'évasion garantie. Oh, avec, sympa ça. La Acer One 10. Acer je pense que je vais me reconvertir en vendeur. Allez, envoyez PC au 6322. Il est à gagner dans moins de 3 minutes. PC au 6322, c'est 1 euro par message. On prend un gagnant juste après Lost Frequency. Ça vous laisse 3 minutes pour envoyer PC au 6322. Bonne chance. Fun Radio présente Party Fun Live avec Kid Noise vendredi 12 août à Malève Sainte-Marie. Party Fun Live. À l'occasion des fêtes du 15 août, venez vous éclater avec Kid Noise pour un set exclusif, mais aussi Cardell et Oxun DJ Party Fun. Party Fun. This is our summer legend. Kid Noise en live, c'est vendredi 12 août à Malève Sainte-Marie, près de Pérouet. Plus d'infos sur funradio.be, une organisation du comité du 15 août et TNT Music. Yes, the best radio. My station. Fun Radio. Find table space to say your social graces. Up. It's been my story, it's never switched up. And I never kissed up. So f*** the world, then I got my dog. So. Try to say I'm too wild. Did my own thing, so f*** the cool crowd. Late nights with the music too loud. I made it this far, now monster's too proud. So if you don't like me, cause I'm an elf, I might be. I was raised in a land of hyphy. The world look different as far as I see. I'm doing me, don't mind me. Only one time I'ma tell you kindly. Please f*** off, I don't need you by me. But if you search and you know where to find me. Easy. I lose my balance on these eggshells. You tell me to tread. I'd rather be a wild one instead. Don't wanna hang around the in crowd. The cool kids aren't cool to me. They're not cooler than we are. So I'm you. Let's go. C'est que du fun entre 17h et 20h sur Fun Radio. Anywhere you want to go, I follow. Mountain high and river low, I follow. Suite du son dance floor, ça se passe avec une nouveauté, Ken Jones. Et là, c'est le moment de découvrir qui a gagné son PC, sa tablette, son Acer One 10. Oui, c'est le moment, j'accueille Christophe qui est avec nous. Salut Christophe. Salut les gars, bonjour tout le monde, comment ça va? Salut Christophe. Salut Cricri. Ça va Cricri? Ça va bien, ça va bien. T'es en pleine forme, chaud, hein, il est chaud patate. Dis-moi ouais, Cricri. Toujours chaud patate, toujours chaud patate moi. De toute façon je vais pas tarder Cricri, t'as envoyé quoi 63-22? PC. PC, on vérifie si t'as bien envoyé PC, attention hein. Dance. Bravo. Bien. Tu repars avec ton Acer One 10. Ouais, super, merci beaucoup à vous. Tu vas en faire quoi? Tu vas les garder pour toi? Tu vas l'offrir à quelqu'un? Bah ouais, je vais la garder pour moi. Comme ça, madame, c'est l'utiliser. Mon fils aussi, et voilà quoi. Ta famille va l'utiliser. Bon, c'est vraiment un chouette cadeau, quoi, franchement. Bah, c'est pour nous, c'est cadeau, c'est que du fun. Merci de nous écouter, Cricri. Ouais. Bah, c'est tout le temps, dans ma grue, dans ma voiture, dans ta grue. Sur l'iPhone, partout. Attends. Je vous écoute, moi. Cricri, dans ta grue, t'as dit? Ouais, dans ma grue, Je vous écoute tous les jours, du matin jusqu'à 3h30, puis c'est dans ma voiture, je vous écoute tout le temps. Et t'es à combien en hauteur dans ta grue? Ouais, ça dépend, hein. Le plus petit que j'ai fait, on va dire, c'est 30 mètres, et le plus haut, c'est 86 mètres. Ah, t'aimes bien t'envoyer en l'air, quand même. Hein. Bravo, exactement. Cricri. Bravo pour le cadeau Cricri, on te l'envoie très très vite, ok? Ah bah, un très grand merci à vous, et... À tous les auditeurs, il faut continuer à écouter Fun Radio. Hein. C'est gentil. Cricri. Passe une bonne soirée, on prend tes coordonnées en antenne, ne bouge surtout pas, ça va? Allez, bonne soirée, bisous, les gars. Merci, bisous. Bonne soirée, on prend tes coordonnées en antenne pour la suite de l'émission. Ça se passe avec les meilleurs moments de la Power, puis après Ken Jones et après Dimitri Vegas et Like Mac. À 20h, c'est Party Fun qui prend le relais. Nous, on se retrouve demain, 17h, ça te va, Kaufman? Écoute, 17h, je note, c'est bon, c'est le rendez-vous est prêt. À demain, Kaufman, à demain, Laurence. Passez une bonne soirée, bisous. Tout le monde. Rendez-vous 17h demain. Ciao. Écoutez. Ça s'est passé dans l'Happy Hour avec Audrey sur Fun Radio. Attention, mesdames et messieurs, faites place au beau, au grand, au plus pressé des magiciens. Je vous demande d'applaudir. Jus d'orange pressé. Chanty, tu vois, c'est un jingle que tu peux les retenir. Je sais pas, comme les troupes de Mike Like Vegas, je sais pas quoi. Dimitri Vegas et Like Mike, un peu de respect pour les DJ belges, s'il vous plaît. D'accord ? Il va bien se calmer, le magicien. Bon, on a Soline qui va affronter notre magicien aujourd'hui. Salut Soline. Salut. Ça va ? Oui. Quelle petite voix, Soline, t'as quel âge ? 14 ans. Oh, c'est mignon. Et Soline, t'as déjà eu un amoureux ? Non. Non. Bah, je suis disponible, hein, si surtout tu veux. Surtout ne fais pas ça. Je suis à 14 ans, j'ai un droit. Et alors ? Elle n'est pas majeure. Il ne faut pas, faut pas toucher à ça. Bon, j'ai rien dit, pardon. Soline, il n'y a même pas un garçon qui te plaît à l'école ? Rien ? Non. Non ? Jamais ? T'aimes les filles peut-être ? Non. Non plus ? Bon, je sais pas, moi je pose des questions. Quoi ? Il n'y a même pas genre le playboy de la classe ? Non, pas vraiment. Non, bah... ouais, de toute façon, les playboys, c'est nul, ça se la pète et tout, c'est chiant. Arrête pas de les dire. Regarde Fab, y a pas de problème. Ouais, c'est ça, quoi, regarde-le. Bon, alors, Soline, tu vas essayer de savoir où est l'habit du magicien. Elle sera peut-être à gauche, elle sera peut-être au milieu ou alors à droite. Si t'arrives à me retrouver la bonne position, je te file un pack fun, d'accord, Soline ? Oui, d'accord. Allez, hop, c'est parti. Alors, Soline, accroche-toi, c'est parti. La bille, elle est tout à fait à droite. Je fais deux déplacements à gauche, un à droite, un à gauche, deux à droite, un à droite. À gauche, un à droite, un à gauche, un à droite, deux à gauche, un à droite, un à gauche, un à droite, un à droite, un à gauche et un à gauche. Et après, je suis malade. Ah, alors, Soline, elle est où la bille du magicien ? Au milieu. Au milieu ? Et non. Oh non, Soline. Elle était à gauche. Mais ouais, mais en même temps, on comprend rien à votre jeu à la con. J'aime le bout du jeu. Soline, tu repars quand même avec un petit cadeau Fun Radio, d'accord ? Oui, merci. Eh ben de rien, je te fais des gros bisous. Et tu vas faire quoi ce soir ? Je vais faire mes devoirs. Bah non, hein, pas de devoirs. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais étudier mon néerlandais. On a toujours néerlandais. Je vais regarder une série à la télé. Ouais, c'est dur la vie à 14 ans, franchement, même moi je me dis c'est nul quoi. Ouais, trop nul. Il y a Hélène et les garçons qui recommencent. Soline, je te fais des gros bisous. Et bonne série, hein. Éclate-toi de bien. Éclate-toi de. L'Happy Hour avec Audrey, du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. Hola. Hola, na. You telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mada. Then she said, sabate. And I said, na boule. No matter where I go, you know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mada. Then she said, sabate. And I said, na boule. No matter where I go, you know I love them all. African American, for sure. I told her, baby, come and ride the rodeo. Every time I come around, man, I go for broke. She give me desktop till I overload. Now, baby, you gon' go where you're supposed to go. Cause I ain't got time for you every day. She said she got a man, keep it on the low. I said he don't speak English, the fuck he gon' say? Hey, telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mada. Then she said, sabate. And I said, na boule. No matter where I go, you know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mada. Then she said, sabate. And I said, na boule. No matter where I go, you know I love them all. She from Africa, but she fuck me like she Haitian. Ass black, but the miles looking Asian. I gave her the can in Kansas. I got it on tape. She on candid camera. Okay, see, I forgot we met at Oklahoma. I used to smoke Regina. She from Arizona. Then I met a girl in Cali. I never disown her. She got that high grade. Her weed come with diplomas. I want her, but she keep telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mada. Then she said, sabate. And I said, na boule. No matter where I go, you know I love